Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 27 avril 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 28 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, ici Martin Pelletier pour le Libre Journal de la Liberté Surveillée. Je reçois ce soir Pierre Hillard. Bonsoir Pierre Hillard. Bonsoir. Pour la préface qu'il a écrite au livre de Carol Quigley, qui est un grand historien américain, sur l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-saxonne. Alors, on ne présente pas Pierre Hillard, mais je vais quand même essayer de le présenter, ou plutôt de le faire se présenter. Pierre Hillard, vous êtes quoi? Vous êtes un des papes de la théorie du complot, en fait, un complotiste, un conspirationniste dangereux. Vous n'allez quand même pas me dire, Martin Pelletier, vous avez adopté le langage de nos adversaires qui utilisent ce genre de propos dès qu'on commence à dire des vérités désagréables. Non, tout simplement. À l'origine, j'ai fait des études d'histoire, d'études stratégiques terminé par un doctorat en sciences politiques consacré au rôle de l'Allemagne dans la construction européenne. Et ayant l'amour des faits bien établi, avec la connaissance des causes et les conséquences, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se mettaient en place, que souvent c'était une politique qui était ancienne et qu'il suffisait de rechercher une forme de généalogie de ces éléments pour construire, remettre à l'honneur, ou plus exactement mettre en pleine lumière, des choses qui ne sont pas divulguées au journal de 20 heures. Voilà, donc vous avez une relecture attentive de certaines histoires ou de certaines parties de l'histoire. Alors, je dirais, si possible, toute l'histoire. Un peu comme un généraliste qui doit connaître l'ensemble du corps. Évidemment, après, il y a des spécialités. On est plus spécialiste du cerveau, des poumons, des reins. Alors là, c'est au cas par cas. Mais il faut quand même avoir une connaissance globale et connaître le cadre général, l'architecture, le squelette. Et avec ça, on arrive à distinguer le bien, le mal, et puis surtout à connaître les causes. D'accord. Et les conséquences. Alors, avant de commencer, je vais faire une petite digression nécessaire, enfin qui m'a été demandée, parce que nous recevons du courrier, en général il est adressé à Henri de Lesquin directement, sur, vous allez voir, ça n'a rien à voir, ou ça a quelque chose à voir, je ne sais pas, sur la façon dont on s'exprime à Radio Courtoisie. Alors, c'est vrai que nous nous exprimons très mal. Hein. Alors, il y a un monsieur qui se plaint que, finalement, de l'invasion du présent dans la façon de parler actuelle aussi, et d'écrire. Et il constate, et il nous reproche, de suivre la mode qui consiste à ne pas... à exagérer l'abus du présent de narration. Et il n'y a plus de, comment dire, plus de passé, plus de futur, ce qui pour lui est une chose grave et une perte grave des deux nuances. Je suis parfaitement d'accord avec lui, mais c'est une chose qui ne nous concerne pas. Je n'ai pas lu de Pierre Hillard qu'il commette ce genre d'erreur, et moi non plus. En revanche, il y a un autre nous reproche, et ça je le fais souvent, hein. C'est de ne pas marquer toujours la négation quand elle devrait être marquée et de dire « c'est pas » ou « je sais pas ». Et alors il y a un autre monsieur, c'est une dame, c'est une Joan Blondeal qui alors vraiment est fâchée parce que elle est désolée d'être fâchée. Mais quand on parle à la radio, il me semble que la moindre des politesses est de respecter la forme interrogative, parce qu'on dit souvent « comment vous expliquer ?» alors qu'il faudrait dire évidemment « comment expliquez-vous ?» Alors à ça, moi je réponds que j'ai exactement l'âge qu'il faut pour avoir vu cette maladie se répandre. Quand j'étais petit, Jamais à l'école ou en famille, je n'aurais oublié ni une négation, ni une aversion interrogative. Mais c'est dans les années 70, et en plus particulièrement à la faculté, les profs de fac ont commencé à dire « ça veut dire quoi ?» par exemple. Et les journalistes qui revenaient des États-Unis ou les gens qui causaient justement dans le poste et qui étaient sérieux généralement, c'était des bacs plus je sais pas combien, qui étaient généralement politiques de haut niveau ou bien sociologues, ont commencé à dire « ça veut dire quoi ?» Alors, vous savez, je suis désolé moi aussi pour les auditeurs, mais une fois qu'on a chopé le virus, eh bien c'est très très difficile de s'en défaire. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre-Hilard, mais est-ce que vous avez, vous, une idée sur la généalogie, l'origine de cette mode tout à fait mortelle, c'est vrai pour la langue, hein. Nous ne faisons plus les inversions nécessaires, ni les négations nécessaires. Déjà, les fautifs, il faut les trouver du côté de l'éducation nationale. C'est-à-dire, c'est étalé sur des années, que dis-je, des dizaines d'années, où il y a une volonté vouloir appauvrir la langue, mal construire ses phrases. Il y a aussi le fait que la présence de populations extra-européennes n'aide pas au maintien, je veux dire, à la pureté de la langue. Donc, fatalement, il y a la langue se dégrade, elle est moins riche. Quand il faut utiliser un langage simple pour se faire comprendre de populations qui maîtrisent mal le français, évidemment, le langage de Molière n'a pas sa place dans ces cas-là. Donc, en fait, le problème est ancien. Et vous évoquez un problème, la langue qui s'appauvrit ou bien des fautes, etc. Mais ce n'est que la conséquence d'un long travail de sape qui n'est qu'un morceau du puzzle parmi tout le reste, c'est-à-dire il faut détruire la famille, il faut détruire la langue, il faut détruire les provinces, il faut détruire les traditions, il faut détruire l'unité du pays. Ça va ensemble, c'est Orwell. D'accord. Alors, justement, on est en plein dans le sujet, c'est sur le caractère global de la révolution auquel nous sommes soumis actuellement. Vous venez donc, et là on revient vraiment au sujet, au cœur du sujet, vous venez donc de préfacer la traduction française du livre de Carole Quigley, je crois que c'est un livre, vous allez nous en parler, c'est un livre qui est paru après sa mort, oui. Le grand historien américain Carole Quigley, dont on reparlera, qui s'appelle « L'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine ». Alors vous avez écrit la préface, et ce livre, quand même, donne au lecteur français des informations qu'il n'a pas l'habitude de trouver. Alors, on va parler de deux choses. On va parler d'abord du livre et ensuite de votre préface. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Quigley ? Parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, c'est la première chose à faire. Alors, Carole Quigley est un universitaire américain, 1910-1977, qui a eu les plus hauts diplômes en matière d'histoire. Il a enseigné dans les plus grandes universités américaines. Il a eu, entre autres, comme étudiant, un certain Bill Clinton. Oui. Et de par ses activités et surtout ses convictions, il a eu affaire à l'élite mondialiste américaine, en priorité anglo-saxonne en général. Et étant acquis à leur idéal de gouvernance mondiale, il a donc pu bénéficier de pièces d'archives de première main et écrire ce fameux livre « Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine » qui évoque le rôle des élites anglaises et américaines de la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'aux années 50 pour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est un travail immense, extrêmement riche en informations et je vais le dire tout de suite, ce livre, il a qualité, défaut. Qualité, c'est l'information. On connaît vraiment, grâce à lui, les coulisses du système mondialiste anglo-saxon et les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Le défaut qui vient de la qualité, c'est qu'il y a une telle profusion d'informations et de détails qu'à la fin, parfois, on s'y perd. Par conséquent, pour lire ce livre, il faut véritablement prendre son temps, quitte à relire deux ou trois fois, pour s'imprégner du caractère énorme et touffu et très varié de ces élites qui poursuivent finalement le même but, c'est-à-dire une gouvernance mondiale, avec quelquefois des divergences entre celles qui veulent une gouvernance mondiale sous l'égide anglo-saxonne et puis celles qui veulent une sorte de gouvernance mondiale où le monde anglo-saxon est digéré finalement dans un magma. Et ce livre, je vais être très franc. Ne soyez pas trop franc. Si... Laissez-moi vous couper. Oui, alors je vais vous... Parce que sinon, vous allez tomber dans le travers de Quiglet. Alors justement, je crois que je l'ai lu justement très lentement et en m'y reprenant plusieurs fois. C'est très intéressant, mais c'est diffus, c'est touffu, c'est mal rangé, c'est exposé à l'anglo-saxonne. Exactement. Ça n'est jamais... Il n'y a pas d'idée claire, directrice. Voilà. Alors, comme... Claudel aurait dit, c'est des diamants dans de la farine. Il y a beaucoup de farine et il y a quelques diamants. Vous allez de nombreux diamants. Voilà, en nous en parler. Mais revenons encore à Quiglet parce que pour moi c'est très important. Vous avez bien compris la petite plaisanterie de départ, ce que j'ai fait sur le complotisme. Oui. Le complotisme aujourd'hui a rejoint dans les agents de diabolisation, dans les méthodes de discrédit, l'antisémitisme. Mais le racisme, hein, c'est voilà. Quand on est complotiste, on n'a plus rien à dire. On est à la fois un fou et un pitre. Donc, ce qui est intéressant, moi, je voudrais que vous, on a le temps, on en a une heure et demie, que nous parliez encore un peu plus de Quiglet, que vous êtes situé effectivement comme un grand Américain. Universitaire. Du système. Et d'ailleurs, on pourrait en parler. J'espère que vous allez nous en parler un peu plus. C'est quelqu'un qui est intéressant dans la mesure même où il ne peut pas être soupçonné de mauvaises intentions et où, dans la mesure aussi où les méthodes universitaires qu'il applique ne peuvent pas le laisser prendre pour un plaisantin ou pour un pamphlétaire, ni pour un pamphlétaire. C'est l'universitaire américain dans toute sa splendeur, dans tout son ennui parfois, parce que c'est vrai quand il fait la généalogie d'un tel qui est passé par tel collège. Et tel mariage. Et quel mariage. On commence à se dire, oui, ben alors si on allait un peu plus vite et qu'on faisait une synthèse. Mais donc, voilà, parlons encore de ce Quiglet, parce que c'est pour moi déjà le premier point, de bien montrer aux auditeurs et à tout le monde que c'est quelque chose, ce travail est un travail d'un véritable historien et d'un historien scrupuleux. Oui, Quiglet est le produit du système et par excellence, c'est-à-dire que véritablement il a fait des études classiques, d'histoire, etc. Il a enseigné dans les plus grandes écoles et de par ses qualités intellectuelles et ses recherches, il a été amené à rencontrer la crème de la crème anglo-saxonne. Et ces rencontres ont été fructueuses parce que partageant l'idéal de gouvernance mondiale, ou plus exactement de l'idéal de la civilisation britannique étendue à l'échelle planétaire. Il insiste beaucoup que véritablement les valeurs de la civilisation britannique doivent être la référence. Et en raison donc de cette sympathie, de cet idéal partagé, les personnes qu'il a pu rencontrer, qui appartenaient au milieu des affaires, au milieu politique... Est-ce que vous pouvez jeter quelques noms parce que ça donne de l'autorité. Vous pensez à qui en particulier? Toutes les grandes familles anglo-saxonnes, j'allais dire, ce sont les classiques, les Rockefeller, mais vous avez la famille Brandt, vous avez la famille Kerr, et vous en avez, mais j'allais dire, le bouquin, il présente des centaines et des centaines de noms. Et on voit à la fois l'aristocratie britannique et les grands Richards américains. Les patriciens, à la romaine. Oui, c'est ça. À la romaine. Et une chose qui est très intéressante, et je vais pouvoir citer le passage qui est très court, c'est qu'il montre... Donc, en raison de l'amitié, des liens de compréhension, d'entente avec ces gens-là, l'impact immense de ces personnes dans la vie politique, éducative, journalistique, etc., anglo-saxonne, des conséquences à l'échelle planétaire. Et il dit ceci, et la phrase est très courte, page 294. Donc, quand il parle du groupe de Milner, c'est un terme générique pour expliquer... On y viendra. Je précise pour les auditeurs, donc groupe de Milner, c'est le nom d'Alfred Milner, qui était le fils spirituel de Cecil Rhodes. Il dit ceci, « Quand l'influence qu'exerce l'Institut se combine avec ce que contrôle le groupe de Milner dans d'autres secteurs, éducation, administration, journaux et périodiques, un tableau réellement terrifiant commence à se dessiner. » Il utilise quand même le mot terrifiant. C'est-à-dire qu'il a beau être acquis à l'idéal de ces gens-là, il a été absolument effaré du poids de l'influence de ces personnes dans les secteurs clés, politique, économique, militaire, journalistique. Et que finalement, et il le dit d'ailleurs, il le dit surtout dans sa préface, il aurait voulu que cet idéal se fasse, non pas dans les coulisses, en secret, mais en plein jour, d'une manière démocratique. Voilà, sur, c'est voilà, un démocrate. L'agora, à la grecque. À l'agora. Voilà, et le problème, et c'est la faiblesse, j'estime, de cette intelligence, c'est ne pas avoir compris que ces choses-là ne peuvent se faire qu'une manière discrète. On voit difficilement les Rothschild, Rockefeller et tous ces gens-là, Cecil Rhodes, les Kerr, les Toynbee, etc., les Steed, proclamer Urbi et Orbi que l'objectif, nous sommes dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est d'établir une gouvernance mondiale sous l'égide de la City. Ça on a d'ailleurs des preuves du contraire, c'est-à-dire c'est des déclarations que vous allez certainement citer mieux que moi, de Rockefeller au Bilderberg Group, expliquant que si les choses avaient été étalées au grand jour, elles n'auraient pas été faisables. Exact. Il a même carrément écrit dans ses mémoires, chapitre 27, avec un titre ô combien révélateur, internationaliste et fier de l'être, oui, où il dit, alors c'est presque mot à mot, certains m'accusent, moi et d'autres, de comploter contre les intérêts de mon pays, d'un point de vue politique-économique, en vue d'un monde plus intégré. Oui. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. Là, il le dit. Il le dit, voilà. Édition de Fallois, hein, pour la version française. Donc, cela prouve, à contrario, que, évidemment, les menées efficaces de ce groupe, dont vous allez nous parler bientôt, ne pouvaient pas être mises sur la place publique. Quigley est un grand historien, mais ce n'est pas un esprit politique. Enfin, oui, voilà. Un esprit. Il n'avait pas compris ou ne voulait pas comprendre. Après, il n'avait pas compris, attention. Il n'avait pas compris, oui, il n'avait pas compris ou ne voulait pas comprendre que ce genre de politique, c'est une politique grandiose, oui, ne pouvait pas se faire en plein jour. Mais j'allais dire, c'est une vérité de la palisse. Oui, c'est une évidence. En gros, pour faire court, je veux être le maître du monde et je vais le faire devant vous. Non, non. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire que les choses se révèlent de plus en plus parce qu'ils se rapprochent du but. Alors, manque de prudence, le fait aussi qu'il y ait une apathie générale au sein des populations, et on voit la bête qui se révèle, mais à son époque, c'était totalement impossible. C'était caché. C'est justement une déclaration d'Arnold Toynbee, historien britannique, universitaire britannique, et membre de cette mouvance, qui l'a très bien expliqué, lui aussi, qu'il ne pouvait pas... Il ne pouvait pas le dire, sinon, à l'époque, œuvrer contre la nation ou parler contre la nation était propre à discréditer, c'est le terme qu'il emploie. Trahison, même. Soit le publiciste, soit le politique qui l'aurait fait. Avec les répercussions au niveau de la famille royale britannique qui étaient liées à tous ces phénomènes, puisque vous avez parmi ces élites des secrétaires au service des différents rois d'Angleterre. Oui. Alors justement, là, on va rentrer dans le vif du sujet, et je vais vous demander de faire ce que Carol Quigley n'a pas fait, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans cette immense masse d'informations qui, elle est immense, c'est pour ça qu'elle est convaincante, on voit bien toutes les références. Irréfutable. Les centaines, les milliers. C'est écrasant. Écrasant de références. Mais alors, voilà, vous venez de parler de groupe de Milner, vous avez parlé avant de Cecil Rhodes. Et, mettons ça en perspective et en ordre. Voilà, de quoi s'agit-il ? Alors, on va commencer par, j'allais dire, la figure de proue. C'est un homme qui s'appelait Cecil Rhodes, qui est né au milieu du 19e siècle et qui est mort en 1902. Cecil Rhodes, c'est un Anglais qui a fait fortune dans l'industrie diamantaire de Beers. Et il est devenu extrêmement riche, et cette richesse a été acquise en particulier en liaison avec les Rothschild. Et la chose a été, Quigley l'explique très bien, la chose s'est faite d'autant plus facilement que Cecil Rhodes a rendu hommage à Rothschild, en particulier dans différents testaments, où Cecil Rhodes va mourir d'un cancer, il est mort en gros à 45-50 ans, je n'ai plus l'âge exact. Et son testament a été confié, entre autres, à Rothschild. Donc on voit déjà des liens particuliers entre ces élites anglaises extrêmement riche, et c'est Rothschild qui joue un rôle de premier plan dans le cas de la politique britannique. Cécile Rhodes... Et pas seulement britannique, je me souviens d'une citation, vous allez peut-être la confirmer, où on disait que les Rothschild étaient le véritable roi de France, c'était aux alentours de 1850, et plus puissant que n'importe quel cabinet au monde, sauf le cabinet de Sa Majesté, donc le cabinet britannique, voilà. Donc, quand on contrôle l'argent, on contrôle beaucoup de choses. Exactement, mais je vous ai coupé, continuez. Donc Cécile Rhodes va s'entourer de personnes de très haut vol. Alors j'ai déjà cité le nom, c'est son fils spirituel, Alfred Milner. Alors qui c'est ça, lui? Alfred Milner, lui, il a un CV, il a travaillé dans la haute finance, rien que ça, déjà, ça règle... Disons que ça sert déjà le personnage, mais il a travaillé aussi au service du premier ministre anglais Lord George durant la Première Guerre mondiale. Et ce Alfred Milner va jouer un rôle extraordinaire, en particulier dans la rédaction d'un document qui a une importance énorme encore aujourd'hui, qui est la fameuse déclaration Balfour, qui est la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine avec l'assentiment du gouvernement britannique. Et en fait, le véritable rédacteur de ces déclarations Balfour, ce n'est pas Arthur James Balfour, mais Alfred Milner, et c'est Carol Quigley qui révèle le nom, donc, véritable auteur de ce document, Milner, et en particulier grâce aux archives du secrétaire privé de Milner, qui s'appelait Hans Baregor, qui a annoncé et fourni les preuves en 1937, en juillet 37, je crois, au Parlement britannique. Donc voilà un de ces diamants dans la farine. Donc la déclaration Balfour qui garantit un foyer juif en Palestine... Devrait s'appeler déclaration Milner, comme le dit Carl Quigley. Est issue de cette oligarchie secrète anglo-saxonne, puisqu'elle est tantôt britannique, tantôt américaine. Oui. Donc, alors, continuons sur Milner. Alors, au départ, ce que vous appelez le groupe de Milner, au départ, on a l'impression que c'est le groupe rose. Et oui, puis... et d'ailleurs, c'est ce que dit Carl Quigley. Il dit qu'il y a différents cercles. Et pour des raisons de facilité, pour éviter des répétitions et des confusions, il regroupe l'ensemble de ces noms et de ces cercles sous une même cloche, qui est le groupe Milner. Puisque c'est Milner, à la mort de Cécile Rhodes en 1902, qui finalement va réunir l'ensemble de ces groupes, de ces cercles, pour les diriger et les faire marcher au même pas. Et d'ailleurs, c'est si vrai que Cécile Rhodes voulait mettre sa fortune au service donc, de la création de gouvernance mondiale, ça c'est net et clair, et en particulier en recrutant des personnes intelligentes, souhaitant promouvoir le nouvel ordre mondial. Et pour cela, il lance, Cécile Rhodes, le principe des bourses d'études. Cécile Rhodes, c'est-à-dire qu'on recrute au sein des universités, d'abord anglaises, américaines, et le principe a été élargi à l'échelle de la planète entière, des hommes au début, mais très rapidement c'était ensuite des femmes, qui ont des caractéristiques intellectuelles et en même temps philosophiques mondialistes, pour qu'ils puissent occuper des postes clés dans tous les domaines, politiques, économiques, militaires, journalistiques, tous les secteurs. Et l'octroi d'une bourse d'études Cécile Rhodes, c'est pour finalement les aider à aller encore plus vite. À émerger plus vite. Et dans cette histoire, Cécile Rhodes mourant relativement jeune de son cancer, celui qui va mettre sur pied, qui va achever l'idéal de Rhodes, c'est son fils spirituel, Alfred Milner. Et les premières bourses d'études Cécile Rhodes datent de 1904. Et donc après la mort de Cécile Rhodes. Deux ans après sa mort, j'allais dire la première série, et nous sommes en 2016, ça continue à fonctionner, mais... Au combien? Et c'est effectivement important comme bourse. Oui, c'est un soutien financier. Les personnes qui attribuent ces bourses d'études remarquent un étudiant qui sort du lot par son intelligence, sa capacité de raisonnement et aussi sa tournure d'esprit acquise à un monde sans frontières. Évidemment, si cet étudiant intelligent, cultivé, tout d'un coup se révèle cathotradi promontien Lefebvre, il n'a absolument aucune chance pour faire ce cours. C'est clair. Voilà. Donc il faut obligatoirement avoir un baptême spirituel, une marque de fabrique qui va dans le sens d'un monde sans frontières. D'accord. Donc à l'époque, c'est essentiellement des protestants, on va trouver aussi quelques juifs, et puis rapidement, ce qu'on va appeler les catholiques libéraux, catholiques conciliaires, enfin, alors, protestants déguisés. Alors, quand on parle de mondialisme, le mot est récent, et le concept a quand même évolué par rapport au début du temps de Rhodes et de Milner. Quel est l'objet précis l'idéologie de ces gens-là? Alors, l'idéologie de cette élite anglo-américaine, c'est d'instaurer les valeurs de la civilisation britannique. Et vous avez deux subdivisions. La première, un monde anglo-saxon étant le pilier de cette gouvernance mondiale, le mot n'est pas utilisé, mais d'une direction managériale, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça, de la planète, soit, et c'est une autre branche, c'est en particulier un des grands dirigeants du groupe qui s'appelait Lionel Curtis, oui, qui lui voulait que ce monde anglo-saxon, d'une certaine manière, disparaisse pour renaître façon phénix au sein d'une gouvernance mondiale. Et en particulier, c'est dans son livre sorti en 1938, « Le Commonwealth de Dieu ». Qui raconte cette mutation mystique de l'Empire britannique, mutant d'un territoire s'étalant sur les territoires africains, puis l'Inde et le Canada, pour être régénéré au sein d'une gouvernance mondiale. Et la première ébauche, ça va être déjà la Société des Nations. Et ensuite, les choses vont être remises à l'honneur avec l'ONU et puis d'autres instituts que j'ai eu l'occasion de citer dans le grand propos. Dans ce qui se passe actuellement, on est plutôt sur... À votre avis, on est plutôt sur la tendance Curtis ou plutôt sur la tendance... Nous sommes dans la tendance planétarienne, c'est-à-dire qu'en fait, nous assistons à une dislocation du monde anglo-saxon. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai raconté dans l'avant-propos, que finalement, le monde anglo-saxon passera à la trappe comme tous les autres gentils. Mais ça, nous irons un peu plus loin après. Là, il faut, c'est beaucoup plus loin encore. Oui, oui. Pourquoi je m'arrête? Oui. Oui. D'accord, donc... Quand on revient au groupe de Milner, il commence à être finalement opérationnel après la mort du bienfaiteur. C'est Milner. Mais Milner est donc un homme, un Britannique, quelqu'un qui est De mère allemande. Oui, qui est de mère allemande, c'est vrai. Et qui a la conviction qu'il faut transmettre et imposer des valeurs anglo-saxonnes. Et c'est aussi plutôt... Enfin, vous allez le définir mieux que moi. C'est plutôt un homme de gauche, un constructiviste. C'est un technocrate avant l'heure. Un technocrate et plutôt socialisant aussi. Oui. C'est clair. Et oui, c'est l'idéal que ces personnes défendent. C'est une forme de, c'est une synthèse entre capitalisme et socialisme. Et c'est finalement l'idéal fabien, Fabian Society. Parlons un peu. Allez-y, développez. Alors, Société Fabienne a été créée à la fin du 19e siècle par Béatrice et Sidney Webb. Et cette Société Fabienne, la Fabian Society, alors pourquoi Fabienne? Alors, ça vient du nom d'un général romain, Fabius Cunctator, le temporisateur, qui prônait le principe de la méthode des petits pas pour peu à peu atteindre un but. Bon. Et pour une petite information, le logo à l'époque, il a changé. À l'époque, le premier logo de la Société Fabienne, c'était un loup recouvert d'une peau d'agneau. Mais ils ont changé, ils ont changé là. C'est trop beau. Oui, ils ont changé, ils se sont dit, là on exagère, on pousse un peu trop. Oui. Bon, bref. Et donc, l'intérêt de cette Société Fabienne, c'est qu'ils sont à l'origine de la création, à la fin du 19e siècle, d'une école, d'une université prestigieuse, qui est la London School of Economics, où sont passés des hommes politiques, des économistes, même un Mick Jagger y est passé, pour tout vous dire. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il a fait qu'un an. Mais je dis toujours, il n'a pas trouvé satisfaction. Voilà. Bon. Mais donc, création de la London School of Economics à la fin du 19e siècle. Et deuxième élément, la Société Fabienne est à l'origine de la création du Parti Socialiste Anglais, le Labour, qui a vu le jour, je crois qu'en 1900 la date, 1900 ou 1901, enfin bref, aux alentours de 1900. Et vous avez donc énormément de travaillistes et de premiers ministres anglais qui ont été membres, ou qui sont toujours membres, de la Société Fabienne. Et la Société Fabienne veut réaliser cet idéal de thèse, antithèse, synthèse, socialisme et capitalisme, Et la formule utilisée par Tony Blair dans la fin des années 90 pour devenir Premier ministre, c'était de favoriser la mise en place de la fameuse troisième voie. Et c'est cette même idéal qu'on retrouve chez Emmanuel Macron. De fusion du socialisme-capitalisme, une autre voie, plus le socialisme à l'état pur, mais plus le capitalisme. C'est le même moule, la même marque de fabrique. Et donc, la société Fabienne a travaillé en liaison étroite avec tous les Milner. Et chez Gorbatchev, d'ailleurs, la maison commune, et la convergence des blocs, voilà. Donc c'est toujours. Après qu'il y ait des rivalités internes, et là, c'est normal, on est sur Terre, de rivalités internes, d'intérêts. Mais ils ont toujours cette idée de thèse-antithèse. Et quand on a compris ça, on décrypte beaucoup plus facilement les événements. D'accord. Alors, venons un peu sur les réseaux. Ce groupe de Milner... Bon, quand on a dit Cecil Rhodes donne sa fortune, Milner est le fils spirituel, l'intellectuel. En fait, comment ça s'organise concrètement? Il y a des cercles, vous avez parlé des cercles, et il faut peut-être un peu développer. Alors, tout ça. Lorsqu'on passe en revue l'immense équipe, le bataillon autour de Cecil Rhodes et de Milner, on se rend compte déjà des origines sociales. Ces personnes appartiennent, alors écrasant majorité, je veux dire peut-être même à 100%, à la haute bourgeoisie, très haute bourgeoisie et la haute aristocratie. Anglaise, voilà. Et donc c'est un style de pensée, c'est une caste, il ne faut pas se leurrer, c'est une caste. Et ils occupent les postes clés. Politique, économique, journalistique, et le Times, et par exemple le journal Le Times, et l'outil de combat de propagande de cette élite. Et leur objectif, c'est d'influencer l'opinion publique, d'influencer les représentants à la Chambre du Parlement pour une politique allant dans le sens d'une gouvernance mondiale. Alors, ils y arrivent souvent. Mais pas parfois, toujours, ça qui est intéressant, mais, il y a des ratés, ils se cassent la figure entre... Voilà, mais il y a quand même, ils arrivent quand même à pas mal de choses. Et l'exemple, pour montrer l'influence du groupe Milner, c'est l'Empire britannique qui va, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'appeler le Commonwealth of Nations. Et cette mutation de l'Empire britannique en Commonwealth, a été faite de manière officielle, en 1916, par un des fils spirituels, là aussi, d'Alfred Milner, qui était donc Lionel Curtis, si je m'abuse, oui, c'est Lionel Curtis, donc annoncé en 1916, et la chose va être officielle qu'en 1948. Vous vous rendez compte, 32 ans après. 32 ans de travail. C'est là. Et pour être très franc, l'expression Commonwealth avait été utilisée par une de ces élites anglaises déjà en 1884 en Australie dans un discours. Et pendant que je vous parle, je cherche désespérément le nom. La référence et le nom, mais vous ne le trouverez pas quand vous chercherez. Voilà. Mais voilà, déjà, c'est en 1884 que l'expression Commonwealth est utilisée par un de ses représentants. Et l'expression va être vraiment élaborée, conceptualisée, voilà, en 1916, et elle voit le jour 32 ans plus tard, en 1948. C'est là où on voit le travail énorme. Commonwealth qui joue un rôle toujours ô combien important aujourd'hui. Oui, et qui a surtout permis à l'Empire britannique de se perpétuer, muter, toujours l'idée de tout à l'heure. Et vous avez parlé de fils spirituel. En fait, il y a une expression anglaise qui est le kindergarten. Il y a donc une pépinière qui a été organisée. C'est peut-être ça qui, comme ça qu'il faut le. Et puis il y a le rôle, moi qui m'a paru peut-être très important, des universités anglaises, en particulier Oxford. Et en particulier des différents collèges d'Oxford pour la diffusion de cette idéologie. Alors voilà, je veux dire, il y a un côté pratique simplement. Il y a des universités de prestige, de qualité. Bon, ben, on recrute dans un vivier où déjà se trouvent des personnes d'un certain milieu social. C'est ça qui est frappant. C'est une caste qui est au-dessus de la population. Et finalement, c'est ce que d'ailleurs j'ai raconté, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est une technocratie avant l'heure. Une technocratie avant l'heure. Une technocratie familiale. Quand avec vous parlez des liens de professionnels caste, ouais. et mondains, en quelque sorte. Bah, je vous cite un exemple. Alors, c'est un exemple qui remonte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1947 ou 48, mais qui illustre finalement le cadre général de ce milieu anglo-saxon. Vous avez eu, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la création d'un institut européen, le mouvement européen en faveur de l'unité de l'Europe de l'Ouest. Mmh. Et ce mouvement européen a eu à sa tête un Anglais, Duncan Sandys, qui était le gendre de Winston Churchill. Oui. Donc on voit, et en fait le véritable promoteur de cette politique s'appelait Joseph Ratzinger, qui est à l'origine, qui est plus important que Jean Monnet, qui est à l'origine de la création de ce mouvement européen, comme du Bilderberg, comme, on en parle peut-être, d'autres instituts qui sont à l'origine de la politique actuelle. Mais Joseph Ratzinger n'a fait que reprendre l'idéal de Rhodes, Milner, Curtis, etc. C'est là qui est intéressant, c'est justement la généalogie que vous faites. On passe des uns pour aller aux autres, par toujours les mêmes, les amis, les fils, les gendres, les élèves d'eux aussi, beaucoup, notamment le collège Balliol à Oxford. Voilà, donc. Des liens familiaux, des liens professionnels, des liens d'amitié. C'est un ensemble et c'est un bataillon. Et c'est comment il s'appelle, donc c'est Cecil Rhodes, qui voulait mettre en place une sorte d'église, c'est le mot qu'il utilise, élément secret pour mener sa politique. Pareil, au principe des jésuites. Il écrit texto dans un de ses testaments. Donc on voit qu'il y a le modèle jésuite qui l'avait vraiment impressionné. Il voulait appliquer cette méthode. Ôtez-moi d'un doute, le pape François n'est pas membre du groupe de Milner par hasard? Alors, le pape François fait partie de l'oligarchie, enfin plus exactement, il promeut le mondialisme. Déjà, je rappelle que lorsqu'il a été élu pape en 2013, il a reçu les félicitations de la maçonnerie d'Argentine, des naïbrés d'Argentine. Donc déjà, c'est le baptême résume tout. Ah, mais ce que vous venez de dire, je ne l'avais pas noté. C'est documenté, on peut le trouver. Oui. Alors vous avez ça dans mon livre Chronique du mondialisme et j'ai mis la note de bas de page parce que vous pensez bien que pour affirmer ça, il vaut mieux avoir la référence exacte. Et c'était la maçonnerie naïbrée d'Argentine qui, à l'élection de Bergoglio, cardinal Bergoglio, a envoyé ses félicitations. Le truc, c'était sur leur officiel, site. Officiel, oui, voilà. Oui, j'ai vu le truc, bon. Alors, il y a un élément qui montre la collusion rapidement. Bergoglio, cardinal Bergoglio, appelé pas François, est dans la continue de pensée de ce mouvement mondialiste. Pourquoi? Vous allez voir, vous avez, et les auditeurs de Radio Courtoisie doivent le savoir, le prix le plus important pour les personnes œuvrant en faveur de la construction européenne, c'est le prix Charlemagne. Oui. Et le prix Charlemagne, le premier prix, a été donné en 1950 à Richard de Coudenhove-Kalergi. Et Richard de Coudenhove-Kalergi était lié à tous ces gens, à Lionel Curtis, à Philippe Kerr, etc. Philippe Kerr qui est un membre éminent du groupe de Milner. Ah oui. Et Coudenhove-Kalergi, rappelez-le, parce qu'il faut toujours... Victor Hugo, grand poète français, hein, nous sommes d'accord. Richard de Coudenhove-Kalergi est mort en 1972, il était de 1894, il appartenait à l'élite aristocratique autrichienne, père autrichien mais mère japonaise. Il était à l'origine de la création de la Pan-Europe, dont l'objectif est de favoriser une Europe unifiée, mais une Europe unifiée s'intégrant dans une gouvernance mondiale. Et c'est intéressant parce que le livre de Carol Quigley, sur le secret de l'oligarchie anglo-américaine, ils évoquent entre autres le fait que vous avez pour le marché transatlantique, vous allez voir en fait, il y a plein de rebonds, le marché transatlantique qu'ils essaient de mettre en place actuellement, à l'origine a été lancé par un Américain qui s'appelait en 1939 Clarence Stright, qui était journaliste au New York Times, auprès de la SDN, la Société des Nations, et ce même Clarence Stryke, qui était un boursier, bourse d'études, Cecil Rhodes, 1920, donc il avait été repéré à l'époque, il a fait du bon boulot, et en 1939, ce Clarence Stryke avait écrit un bouquin, Union Now, Union Maintenant, en faveur d'une Union Atlantique. Et il va avoir, Clarence Stryke, le soutien du groupe Milner, soutien, groupe Milner apporte à Clarence Stryke pour le bloc euro-atlantique et soutien apporté aussi à Richard de Coudenhove-Kalergi pour l'unité continentale de l'Europe. Donc on voit, ce sont différents morceaux de puzzle. Ça s'emboîte. Et ils essaient d'emboîter. Après, il y a tout le problème du partage des intérêts, des influences. Et pour revenir à votre question au sujet du pape François, le prix Charlemagne est donc le prix donné aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Alors je rappelle que Coudenhove, le premier, l'a reçu en 1950. Et j'ai traduit l'intégralité du discours de Coudenhove de 1950 dans mon livre « La décomposition des nations européennes » où Coudenhove dit qu'il faut mettre en place une Europe unie, de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie, mettre en place une Union atlantique, une fédération à trois, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. C'est beau comme l'antique. C'est un programme, c'est ce qu'ils essaient de mettre en place. En fait, tout est annoncé, il suffit de chercher un peu. Il n'y a pas de complot. Il n'y a de complot que pour les esprits faibles et superficiels. C'est une révolution à ciel ouvert. C'est l'open conspiracy, comme disait. Voilà, c'est la conspiration ouverte. Et le prix a été donné alors à des Angela Merkel, à des Giscard d'Estaing, à des Jean Monnet, à des Schuman, à des Simone Veil. Mais chose très intéressante... et qui montre à Martin Schulz pour l'année 2015, qui est le président du Parlement européen, socialiste. Mais je veux dire, c'est normal, Simone Veil, normal. Mais c'est là où on voit que l'Église, est, depuis l'Église conciliaire avec Vatican II est complètement gangrénée, vous avez trois religieux qui ont reçu le prix Charlemagne. En 1989, Frère Roger, qui était le patron des charismatiques, qui a été assassiné. En 2004, Jean-Paul II. Et cette année pour 2016, c'est le pape François. Et je demande aux auditeurs et de courtoisie de se dire, un prix est le reflet toujours d'une philosophie, d'une manière de penser. On ne peut pas donner le même prix à Simone Veil à l'origine de l'avortement et à des papes comme Jean-Paul II et pape François qui officiellement s'y opposent. Il y a une logique. Et si on donne ces prix-là, c'est qu'il y a une raison. Et si en plus ces papes acceptent ces prix, ce prix Charlemagne, c'est qu'il doit avoir une accointance. Donc, ce n'est pas vraiment très catholique, tout ça. D'accord. Il est 18h42. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, avec Martin Pelletier, moi-même, et Pierre Hillard, qui est là pour la préface qu'il a écrite au livre de Carole Kigley sur l'histoire secrète des oligarchies anglo-saxonnes. Alors, j'ai plein d'annonces à faire, c'est naturel et nécessaire. D'abord, l'une d'entre elles concerne Pierre Hillard lui-même, puisqu'il va dédicacer à la librairie française de 14 à 16 heures... le samedi Auguste Bartholdi dans le 15e, mais quand cela, ce n'est pas... le samedi 30 avril, samedi prochain. 14 à 16 heures, c'est bien, mais c'est donc le 30 avril. 30 avril, oui. Et au métro, donc, la librairie française se situe 5 rue Auguste Bartholdi, métro Duplex sous la mode Piquet. Pierre Hillard sera également à la fête du livre de Radio Courtoisie. Cela dit, il y a maintenant d'autres annonces, notamment les mardis de Politique Magazine, en partenariat avec le Cercle Culture, Histoire et Patrimoine, mardi 10 mai 2016. Alors, c'est Xavier Raufer, qui est criminologue et essayiste, qui tiendra la conférence sur terrorisme, antiterrorisme, évolution et perspective. C'est beau comme l'antique encore. Et ça se passera le mardi 10 mai à 19h30 précise à la salle Messian, 3 rue de la Trinité, 75009 Paris. Métro La Trinité ou Saint-Lazare. Autre route, le dîner de remise du prix Renaissance de l'économie 2016, le mercredi 18 mai 2016 à 19h30, toujours, dans les salons de l'Aéroclub de France, 6 rue Galilée, dans le 16e à Paris. À l'issue du dîner, en présence du Collège des anciens lauréats, le prix Renaissance de l'économie 2016 sera remis à Axel Arnoux à Xavier Fontanet, ancien président directeur général d'Essilor, professeur d'économie à l'HEC. Dernière annonce, L'Association pour l'Histoire organise le 23 mai 2016 un colloque sur les relations franco-russes du 18e au 21e siècle. Alors, il y aura parmi les intervenants Jean-Pierre Arignon, professeur d'histoire, Philippe Conrad, que vous connaissez bien, directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire, Henri-Christian Giraud, l'historien et journaliste, et Yvan Blot, auteur de « La Russie de Poutine ». Alors, après ces annonces, quelques questions des auditeurs, et l'une rejoint ce que vous disiez pour terminer. Que pensez-vous du traité transatlantique ? Question subsidiaire qui va vous faire sourire peut-être, mais j'aimerais que vous y répondiez sérieusement. Est-ce que Merkel et Hollande vont se coucher devant Obama ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut poser les questions ? Je réponds tout de suite. Répondez tout de suite, oui, oui. Marché transatlantique, évidemment, je suis archi contre, dans ce sens que si la chose va à son terme, c'est la mise à mort complète des États européens, c'est la soumission complète de l'Europe au lobby anglo-saxon. Le problème actuellement... Alors d'abord, je rappelle une chose. Je vais quand même... Je vous ai cité... Rappelez une chose. Je vous ai cité Clarence Strye, 1939, qui a le soutien, qui a donc lancé le projet d'un bloc euro-atlantique dans son livre Union Now, qui est le soutien de Roosevelt, qui est le soutien de William Donovan, qui allait durant la Seconde Guerre mondiale, et le patron de l'OSS, service secret, qui ensuite deviennent donc la CIA. La chose a été réitérée en 1954-1962, toujours sous l'égide de Clarence Strye, pour créer un bloc transatlantique avec le soutien de Français, d'Anglais, d'Américains et d'Allemands. Et puis, bon, la guerre froide étant là, les choses n'ont pas pu aller très loin. Mais au lendemain de la chute du mur de Berlin, les choses ont été remises en place et relancées. Et vous savez, il y a un côté, je ne vais pas dire amertume, mais une certaine colère en moi parfois. Parce que ce marché transatlantique, il a été officialisé quand ? En février 2013, quand le président Obama a annoncé le lancement, lors d'un discours sur l'état de l'Union, d'un marché transatlantique. Eh bien, en fait, moi, j'avais découvert l'existence de ce marché transatlantique dans les années 2002-2003. Et j'ai un livre qui est sorti en 2004 avec comme titre « La décomposition des nations européennes » et le sous-titre « De l'Union euro-atlantique à l'état mondial », où j'expliquais que l'éclatement des États européens n'était pas une finalité, la construction européenne n'était pas une finalité, mais une étape devant s'insérer dans un bloc euro-atlantique, lui-même marche-pied vers la gouvernance mondiale. Et c'était en 2004, et j'avais sorti des documents, en particulier le document d'un centre de recherche, d'un centre de recherche allemand qui s'appelle le CAP, qui est le Centre de Recherche de Politique Appliquée, dirigé à l'époque par Weidenfeld, qui était aussi membre du comité de direction à l'époque de la fondation Bertelsmann, qui avait publié, alors je rappelle que ce Weidenfeld travaillait au service des relations germano-américaines au temps du gouvernement Kohl, puis ensuite le même personnage au temps du gouvernement Schröder. Vous voyez donc, gauche-droite n'a aucun sens. Et ce Weidenfeld, lui et son équipe évidemment, c'est tout un groupe, ils avaient pondu un tableau de l'évolution de l'Europe de l'échec le plus complet à la réussite la plus totale, d'un point de vue politique, économique, etc. Et entre autres, dans la réussite la plus totale, il est dit qu'il faut mettre en place un marché transatlantique. Mais il n'y avait pas que ça. J'avais cité entre autres les documents de la Commission européenne qui, dès 1990, avait mis en place ce qu'on appelle la déclaration transatlantique. Puis ensuite, vous avez eu 1995, le nouvel agenda transatlantique. 1998, le partenariat économique transatlantique. Puis ensuite, 2004, d'autres documents. Et c'est ça qui est frappant, c'est qu'en 2004, lorsque j'ai sorti ce livre, évidemment, c'était la théorie du complot, alors que je m'appuyais sur des documents archi-officiels et, pour couronner le tout, j'avais entre autres évoqué le livre qui était le résultat des travaux de la fondation Bertelsmann avec toutes les élites anglaises américaines, avec quelques Français, mais surtout allemands, anglais, américains. Pour réussir ce marché transatlantique, ce livre était disponible sur le site de la fondation Bertelsmann, je l'ai commandé. C'est tout le programme de la réussite, enfin, tenter de mettre en place ce marché transatlantique avec, ils vont même très loin, la volonté de mettre en place, je cite, une arène monétaire, je cite l'expression, une arène monétaire entre la Fed et la BCE. Donc ça sous-tend soit une monnaie transatlantique, soit deux monnaies à parité fixe. D'accord. Eh bien, à l'époque, quand je balançais tout ça, personne n'accrochait. Et il a fallu attendre 2013 pour que les gens, les partis politiques, et quand je dis partis politiques, ceux qui prétendent défendre la cause nationale française, évoque enfin l'existence de ce projet qui était en fait très très vieux. C'est là où je dis quand même, nul n'est prophète en son pays. Mais ça va plus loin que ça, vous connaissez bien la malédiction de Cassandre. Oui, oui, oui. Cassandre dit la vérité, mais sa malédiction, on ne la croit pas. Mais ça, c'est tout à fait fréquent dans la politique française depuis 30 ans, parce que également les prévisions qui avaient été faites sur l'invasion de l'Europe, sur la révolution de Bernard Lermite, ce que j'appelais ça dans les années 80, c'est-à-dire à la fois substitution de population et subversion de la civilisation, quand vous disiez ça à l'époque, vous étiez totalement fou. C'est depuis 2008, on ne sait pas pourquoi, mais tant mieux, hein, que Camus a réussi à faire passer l'idée de grand remplacement. Mais c'est 30 ans après. Oui, et parce que maintenant le flou est tel qu'on ne peut plus l'ignorer. Je rappelle, on parlait tout à l'heure de Richard Conan of Clergy, son fameux livre de 1925, Praktischer Idealismus. Mmh. Alors, je rappelle que Kodanov était un gnostique. Dans son livre, il dit que le christianisme est, je cite, un judaïsme régénéré. Là, on est en plein dans la gnose. On est dedans. Il dit à un moment donné qu'il faut mettre en place en Europe des populations, je cite, négroïdo-eurasiennes. En 1925, ça n'avait pas vraiment de sens. Mais oui, mais c'en a au contraire. Aujourd'hui. Alors, on continue dans les questions. Là, ce n'est pas une question, mais c'est une plaisanterie. Vous parliez de l'hégélianisme d'Emmanuel Macron, la formule serait pour lui thèse, antithèse, foutaise. Pourquoi pas, effectivement. Oui. Alors, à une question intéressante, et dans l'actualité, même si on saute un peu du coq à l'âne, hein, pourquoi les élites anglo-saxonnes favorisent-elles l'islam? Dans quel but? Alors, les élites anglo-saxonnes se servent de l'islam, je pense à un rabbin, le nom m'échappe, mais sa phrase est courte, ce rabbin avait dit, je pense qu'on peut retrouver la vidéo sur YouTube, que l'islam est le balai d'Israël. Et le nom de ce rabbin ne me revient toujours pas. Alors, pourquoi? Parce que le fait de favoriser le mélange de populations aux civilisations différentes, ça crée des troubles, ça crée des dislocations, ça crée des éclatements de pays. Et la volonté du mondialisme, la finalité du mondialisme, c'est de créer une population bigarrée, mélangée, déracinée, avec quand même en priorité la destruction de certaines populations, et en particulier les populations européennes, qui représentent un foyer de civilisation issu du christianisme, issu de Rome. Alors déjà, la Renaissance et le protestantisme, la Réforme, ça a aidé déjà à disloquer l'Europe. Mais il faut détruire en priorité un foyer de civilisation qui était le modèle pendant des siècles et des siècles. Et qui déplaît, en sachant que ce monde anglo-saxon, et c'est ce que je raconte entre autres dans l'avant-propos, n'est qu'un outil, l'outil de la synagogue. Oui, depuis l'alliance entre Oliver Cromwell et Menassé Ben Israël, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Absolument. Là, c'est on commence à parler de votre préface. D'ailleurs, là, j'aurais beaucoup de peine à vous donner tort. C'était aussi le sujet de mon livre sur l'antichristianisme que j'ai lu et combien approuvé. Alors, comment expliquez-vous que l'État islamique ne bombarde toujours pas Israël, mais fait des attentats à Paris, que ses comptes ne sont toujours pas bloqués, alors qu'il gagne plus d'un million de dollars par jour en vendant son pétrole. Alors oui, une chose est sûre, c'est que tous ces milieux Daesh et compagnie sont manipulés par différents clans avec des rivalités internes. Il faut voir aussi que c'est au sein de ces milieux oligarchiques, il y a des rivalités. Il ne faut pas les voir dans un sens... C'est pas monolithique du tout. Il y a des rivalités, ils se tirent dans les pattes. Mais le fond de l'histoire, ils sont des outils pour déstabiliser, pour détruire. Il y a des intérêts économiques, des intérêts spirituels aussi, parce qu'il faut se rappeler que l'action de Daesh a lieu en partie sur une partie du territoire qui correspond à la zone géographique du Grand Israël. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et il y a une chose aussi, que j'en profite puisque cette personne pose cette question. Nous avons le 23 juin prochain un référendum sur le Brexit pour l'Angleterre, est-ce que le Royaume-Uni va quitter ou pas l'Union européenne? Et, alors évidemment, ce n'est pas une certitude de ma part, mais on peut envisager, c'est une possibilité, qu'il y ait des attentats en Angleterre ou ailleurs, mais ayant des répercussions sur le déroulement du référendum, de telle manière que cela donne peut-être encore plus envie de, pour les Anglais de quitter l'Union européenne. Parce que, vous savez, vous avez eu des attentats, je pense en mars 2004, à Atocha pour l'Espagne, et vous avez parfois, et ça a bouleversé les élections espagnoles. Espagnol, bien entendu. Eh bien, on peut peut-être se dire que la chose peut se reproduire. Ce n'est pas une certitude, c'est une hypothèse, mais qui tient la route. Qu'un attentat en Grande-Bretagne ou dans un autre État européen, mais avec des répercussions sur le référendum du 23 juin, ait lieu pour accentuer un phénomène. C'est-à-dire quel phénomène ? Un phénomène de favoriser le départ de l'Angleterre Alors là, vous êtes en pleine contradiction, Pierre Hilard, puisque vous notez que, à travers les décennies, l'oligarchie anglo-saxonne et mondialiste souhaite l'Union européenne comme partie de l'Union transatlantique, comme partie de la gouvernance mondiale. Là, pourquoi voudrait-elle défaire ce qu'elle a fait ? Alors, en fait, nous assistons un réglage. Alors quand je dis réglage, déjà, au sein des États anglo-saxons, vous avez des rivalités entre ceux qui voudraient que l'Angleterre reste intégrée à l'Union européenne et ceux qui voudraient qu'elle quitte l'Union européenne pour un autre projet qui a été évoqué par Coudenhove en 1950, qui est, je cite, de faire de l'Angleterre, enfin le terme exact utilisé par Coudenhove, c'est l'Empire britannique. Alors, pour faire court, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique, un Dreierbund, une fédération à trois. Wow. C'est ça. Alors, et c'est actuellement cette tendance oligarchique anglaise, via l'employé Cameron, qui est qu'un outil dans cette histoire, comme Obama, comme Merkel, etc., qui ne sont que des employés. Cette tendance a réussi pour le moment à marquer un point en organisant un référendum. Ensuite, est-ce qu'ils vont réussir à remporter la mise ? Là, je ne sais pas, parce que pour le moment, c'est 50-50. On peut peut-être se dire, s'ils ont des doutes, ils peuvent peut-être ne pas être indifférents à l'idée qu'un attentat ou un événement de grande importance ait lieu pour favoriser ceux qui veulent quitter l'Angleterre, enfin l'Union européenne pour l'Angleterre. Ce qui reviendrait à faire l'hypothèse, dans la dialectique toujours très complexe qui se passe, que les eurosceptiques et éventuellement les populistes britanniques, les nationalistes britanniques, seraient complètement manipulés et instrumentalisés pour le nouveau projet mondialiste, en quelque sorte. Ils serviraient sans, à leur insu. Ils sont les outils. Oui, alors je vous dirais que cette caractéristique qu'on voit chez les Anglais, elle est vraie partout. Il est triste de constater plutôt que les milieux patriotes français font et commettent quelques bêtises qui rendent service au système. Quand vous avez des milieux patriotes français, enfin qui se présentent comme patriotes, qui expriment des sympathies plus ou moins nazies, chose que je ne partage absolument pas parce que c'est anticatholique, eh bien le système, lui, il est ravi. Parce que quand ces milieux patriotes mélangent idées plus ou moins nazies avec des idées classiques, catholiques classiques d'avant Vatican II, l'ennemi va s'en servir et dire « Regardez, les idées classiques traditionnelles vont de pair avec le nazisme », ce qui est archi faux. Et le système, il a besoin, pardonnez-moi l'expression, de couillons qui vont propager ces idées nazionnes, fascistes, fascistoïdes, tout ce que vous voulez, avec des idées classiques. Et je suis farouchement contre parce que, premièrement, ça montre que ces personnes n'ont pas compris que l'idéologie nazi-fasciste, ce sont des idéologies qui font la promotion de l'homme. Et dans le catholicisme, on ne fait pas la promotion de l'homme. Que lorsqu'on a lu un peu Anthony Sutton, on se rend compte que tout ce qui est idéologie nazie, bolchevique même, ont été financés par la City Wall Street. Sutton a apporté les preuves, il a fait un boulot dingue et extraordinaire. Mais que surtout, les idées catholiques traditionnelles n'ont rien à voir avec les idées fascistes, nazies. Et c'est le drame de nos milieux de voir ce mélange qui fait un tort énorme à la cause classique traditionnelle et qui rend tellement service à l'ennemi qui peut donc dire « Regardez les idées cathotradies, c'est compatible avec des idées nazies, ce qui est faux ». En fait, ces milieux patriotes, ils devraient écarter toutes ces idées nauséabondes, facho, tout ce que vous voulez, nazionne, pour faire la promo du seul modèle qui est le modèle français, qui est le baptême de Clovis. Alors vous êtes qui a d'accord. Été réitéré par Sainte Jeanne d'Arc lors de la triple donation. Alors oui, mais alors vous êtes d'accord avec la ligne Marine Le Pen contre Jean-Marie, c'est alors ça? Alors là, écoutez, là vous me taquinez gentiment et vous pensez bien que simplement je n'adhère pas au Front National. Pourquoi? Parce que ça soit Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, les référents philosophiques de ce parti, c'est quoi? Ce sont les principes de 1789. Et à partir du moment où les principes... Ne calomniez pas Jean-Marie Le Pen. J'ai écrit dans le temps quelque chose sur lui, que c'était un homme de gauche, puisque c'est un bleu, hein. Mais quand même tout à fait supportable, parce qu'il a quand même un côté blanc, Jean-Marie Le Pen. Une distinction, une différence avec Jean-Marie Le Pen et sa fille, c'est que Jean-Marie Le Pen a reçu une éducation classique, plus développée, une plus grande culture classique que sa fille. Mais le problème, c'est que j'aurais aimé qu'il l'assimile complètement et qu'il annonce lorsqu'il faisait la fête de Sainte-Jeanne d'Arc, de rappeler à chaque fois que le socle de la civilisation française c'était le baptême de Clovis avec la triple donation, et ça il ne l'a jamais fait. Oui, Pierre Hilaire, mais là on va rentrer dans une polémique. Quand on c'est dit, pas une polémique, c'est quand, une réalité. Oui, bien entendu, mais quand on dit Jeanne au secours, c'est qu'on n'est pas fondamentalement laïque et républicain, voilà. Oui, mais comprenez que la méthode qui consiste à appeler Jeanne au secours à 88 ans, c'est un peu tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Et que la chose qu'il fallait faire depuis 30 ans, depuis que le Front National, en gros, avait le vent en poupe des années 80, c'était de rappeler en permanence que le socle de la civilisation française, c'est le baptême de Clovis, rappelé par Sainte-Jeanne d'Arc, qui est là pour rappeler l'origine de la France, qui est le catholicisme et rien d'autre, avec la triple donation, le Christ roi de France. Le Front National ne l'a jamais fait, que ce soit Jean-Marie, encore moins avec Marine. Bon, moi je ne suis pas là pour avoir des opinions, mais pour poser des questions. Alors, une petite rectification, me dit un auditeur. Frère Roger, dont on a parlé tout à l'heure, n'était pas le chef des charismatiques, mais un Thésée, le promoteur de l'œcuménisme. Oui, c'est vrai, voilà. Cette personne a raison. C'était un grand meneur, oui, c'est juste. Alors un autre auditeur qui nous dit, il est très spirituel ce garçon, vous parlez des élites, il s'agit plutôt des zélotes. Oui, oui. Bon, humour, c'est vrai. Si l'euro s'écroulait, ne croyez-vous pas qu'il pourrait être remplacé par le dollar? Alors, l'euro, évidemment, c'est une monnaie artificielle qui, un jour ou l'autre, se cassera la figure. Le dollar aussi est en très mauvaise situation, d'autant plus que vous avez la Chine et la Russie qui abandonnent de plus en plus le dollar dans leurs échanges, déjà entre ces deux pays. Récemment, les BRICS. Voilà, et vous avez eu récemment la Chine avec sa monnaie, le yuan, un yuan or, référence à l'or. Donc on voit que le dollar a très mauvaise presse, il n'a de valeur que le papier finalement. Donc euro et dollar condamnés à disparaître. Lequel va sombrer en premier? Mais je rappelle ce document au combien officiel de la revue The Economist, donc porte-parole de l'oligarchie anglo-saxonne, de janvier 1988, où vous aviez la couverture de la revue qui montrait le dollar, le yen et Deutsche Mark en train de brûler, et des flammes et des cendres naissant. Il y avait un oiseau, le phénix, qui était le nom de la nouvelle monnaie mondiale. Et dans la revue de 1988, cette monnaie mondiale appelée phénix était prévue pour 2018. Plus que 2 ans à attendre cette bonne nouvelle. Oui, alors réjouissons-nous. Alors, toujours des petites questions, ça dans tous les sens. Quel est le rôle, selon vous, des universités américaines et grandes, Yale, Stanford, Harvard, au sein de l'élite américaine? Ce sont des creusets, je pense à John Kerry ou George Bush fils qui ont fait partie de ces écoles, en particulier avec ce qu'on a appelé les Skull and Bones. Les Skull and Bones, qui est un truc élitiste ô combien nauséabond, des sens sataniques. C'est une organisation élitiste, et c'est officiel, ne serait-ce que John Kerry, George Bush ont été obligés, mais il y en a bien d'autres. Et donc, ce sont des viviers où ils recrutent la crème de la crème, ce qui ne veut pas dire peut-être les plus intelligents, mais peut-être, et même sûrement, ceux qui sont capables de tout, de faire tout et n'importe quoi. Les mieux formatés. Oui, les plus utiles. N'empêche qu'il y en a certains qui sont très intelligents, donc encore plus dangereux. Voilà. Un auditeur qui est un homme, donc, mais qui ne donne pas son nom, rappelle l'invention de la cybernétique en 1948. Là, je ne pourrais pas répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Eh bien, il ne faut pas. À chacun, ça mesure. Il est 19h05, je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le journal de la liberté surveillée avec Martin Pelletier. Ce soir, j'accueille Pierre Hilard pour la préface qu'il a écrite au livre du grand historien américain Carol Quigley sur l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Alors, il y avait des millions de choses à dire, mais le temps passe. J'aurais quand même... Vous parlez... Enfin, il y a des données extrêmement précises sur l'action de ce groupe de Milner, cette société discrète, mais tout de même connue, hein, notamment sur la question des Indes et de l'Afrique du Sud. C'était des grands moments de l'Empire britannique. Alors peut-être 3 minutes encore. Alors, là-dessus. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, il faut savoir que celui qui a vraiment préparer la création de l'État sud-africain, c'est Cecil Rhodes. À l'époque, c'était la colonie du Cap. Et l'État sud-africain est né officiellement en 1910, donc 8 ans après la mort. Mais déjà, Cecil Rhodes avait posé les jalons préparant la naissance de cet État, au même titre de 2 États qui ont vu le jour, qui aujourd'hui s'appellent la Zambie-Zimbabwe, mais à cette époque s'appelait la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud. Donc, et c'est eux aussi, d'après ce que vous dites, ce qui est dit par Quigley, qui ont lancé finalement les guerres des bourgs, qui ont d'abord dépossédé les bourgs avant de... Et cela a permis, c'est très intéressant de voir que ça a permis à cette élite anglaise de débaucher, si je puis dire, un bourg. Ce sont ces blancs d'Afrique du Sud, mélange de Hollandais, de Français et un peu d'Allemand, qui va rallier le clan anglais, de cette équipe anglaise, qui s'appelait Jan Smuts. Smuts, à ne pas confondre avec Jan Smith. Oui, Smuts, S-M-U-T-S. Et qui est mort en 1950, et qui a été un des grands patron ou animateur de la cause mondialiste de l'Afrique du Sud dans le cadre de l'élite anglo-américaine. Voilà, et c'est toujours typique de la méthode, c'est-à-dire qu'on agrège ces oligarchies agrègent des nationaux au départ. Monsieur Hilard, si vous n'aimez pas le mélange des gens, pourquoi avez-vous été banquet de Rivarol et pourquoi parlez-vous à Radio Courtoisie puisque... Bon, mais non, justement, la collaboration de tous est une bonne chose, mais pas forcément la confusion des idéologies. Voilà, un autre auditeur, mais toujours de la même tendance, nous dit « On a construit des églises sous le Troisième Reich. Hitler finançait les catholiques et les protestants. Il y avait de nombreuses cérémonies religieuses dans l'armée allemande. » Oui, sans doute. Il y avait encore une inertie. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. La Sainte Trinité... écoutez, on va faire clair. Oui. Vous avez une grande mystique bavaroise qui s'appelait Thérèse Neumann, qui est morte en 1961-62, qui était stigmatisée, qui est une grande élévation. Bon, lors de ces moments de ces extases, on imitait la photo d'Adolf Hitler, elle repoussait ça comme les fumées de l'enfer. Hein. Voilà. Elle-même le disait, d'ailleurs. Alors, à vous entendre, là, on va peut-être passer à la dernière partie, c'est-à-dire votre préface. C'est une introduction. D'accord. À vous entendre, c'est un auditeur. Ne pourrait-on pas comprendre que les francs-maçons ne seraient qu'une courroie de transmission d'Israël qui gouvernerait le monde? Eh bien, lorsque vous lisez le livre, l'extraordinaire livre de Mgr de Lassus, La conjuration antéchrétienne, le temple maçonnique voulant s'établir sur les ruines de l'église catholique, eh bien, on se rend compte que la maçonnerie n'est que le golem de la synagogue. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis en gros dans la préface, où je dis que finalement, les anglo-saxons, depuis Oliver Cromwell, c'est-à-dire donc le XVIIe siècle, avec l'alliance avec Benassé Ben Israël, On conclut donc une alliance, mais que la synagogue a besoin d'un pays ayant des ressources militaires, économiques importantes, comme un outil pour établir un ordre régentant l'ensemble de la planète en fonction de la doxa judaïque. Mais le jour où, au cas où la synagogue, je parle en théorie, la synagogue réussisse à mettre en place cet idéal, eh bien, ces gentils, c'est-à-dire le nom qu'on donne aux personnes non juives, eh bien, passeront à la trappe et seront ce que j'appelle, enfin, c'est pas moi, l'expression ne vient pas de moi, mais les prosélytes de la porte, c'est-à-dire que dans l'idéal de la synagogue, il faut reconstruire le temple. Le peuple juif étant le peuple prêtre, assurant le sacerdoce au service d'une royauté, c'est entendu le retour du Messie, en fait l'Antéchrist pour nous, et les non-juifs étant les prosélytes de la porte, c'est-à-dire n'étant pas dans le cœur du temple, mais simplement à l'entrée, c'est-à-dire les inférieurs. C'est ça la finalité du projet. Oui, alors justement, il y a plusieurs écoles rabbiniques à ce sujet. Pour les non-juifs, il y a la religion mondiale, les lois noachides. Et finalement, la révolution de 89 avec les droits de l'homme, etc., ne sont que la forme remaniée, à quelques mots près, du noachisme. Je rappelle ce petit élément révélateur. Lorsque vous avez eu la création officielle, j'ai bien officielle, de la franc-maçonnerie en 1717, avec, des Aguliers et James Anderson. Voilà. Ça, les constitutions d'Anderson. Vous avez eu la modification 21 ans plus tard, en 1738, je crois, de l'article 1 de la constitution d'Anderson, qui inclut le mot « noachide ». Et ce mot a été enlevé dans une modification de cet article, je crois que c'est en 1803. Et depuis cette époque, ça n'a pas été changé. Mais déjà, le mot avait noachid, pour donc les non-juifs, a été utilisé dans l'article, je crois, 1 ou 2, je crois que c'est l'article 1, des constitutions d'Anderson, où il disait en gros, il y avait une distinction entre les juifs et non-juifs. Donc le mot noachid est à nouveau enlevé en 1803. D'accord. Voilà. Alors, vous parlez tout à l'heure de la nécessité d'avoir, disons, une nation moteur pour... Bon, ça a été l'Angleterre, l'alliance évidente... Les Pays-Bas avant. Les Pays-Bas, les Provinces Unies, avec le rôle capital d'Amsterdam. Jérusalem hollandaise. Oui, mais la Jérusalem. Ensuite, l'Angleterre. Et on a eu l'impression, à partir de la Révolution française, et pendant tout le XIIe siècle, quand même, avec l'alliance israélite universelle en 1860 et quelques... que la France était... La nation qui prenait le relais. Et puis après, c'est revenu vers le monde anglo-saxon. Donc, il y a l'Angleterre et les États-Unis. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Qui est le... La figure de proue. Alors, officiellement, la force militaire économique, c'est Londres, enfin la City et Wall Street. Il faut évidemment rajouter Tel Aviv, Israël étant le moteur. Il y a une alliance. Vous avez un élément révélateur. Le livre de Quickley le montre très bien. Lorsque vous avez eu la fameuse déclaration Balfour, en fait, il devrait donc s'appeler déclaration Milner. Et vous allez voir, je vais répondre à votre question. Cette déclaration Balfour, donc officiellement, a été remise à Lord Rothschild, qui était représentant du Comité juif d'Angleterre, et ensuite remise aux représentants, du monde juif sioniste de l'époque, qui était Chaim Weizmann. Et c'est ce même Chaim Weizmann qui va devenir le premier président de l'État d'Israël en 1948. Donc on voit que déjà, les événements au cours de la Première Guerre mondiale préparent des événements permettant la création de l'État d'Israël au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un travail de très longue haleine d'une alliance judéo-anglo-américaine, anglo-saxonne. Voilà. Et pour le moment, c'est le moteur. Mais le jour où la synagogue n'aura plus besoin du monde anglo-saxon comme elle n'a plus besoin du monde hollandais, eh bien le monde anglo-saxon, il passera à la poubelle, au service peut-être du monde chinois ou d'un conglomérat de différents États, peu importe la combinaison. Oui, parce que le monde chinois, il y a une différence, une difficulté avec le monde chinois, c'est qu'il n'y a pas de parenté historique, ni raciale, ni religieuse avec les Chinois. Le monde chinois est clos, c'est l'empire du milieu, et une chose un peu brutale à dire, il n'en a rien à cirer de la synagogue, donc c'est plus difficile. Mais sauf d'un point essentiel, ce sont les Chinois, enfin le régime communiste actuellement, des matérialistes outranciers, et avec ça, ils boufferont à tous les râteliers présentés par la synagogue. Donc ils vendront et la Chine est un on les mangera l'organisme chinois, son organisation, etc. Est tout à fait conforme à cet idéal de peuple à qui on sert la vis et qui dont l'idéal de vie est purement terrestre. C'est clair. Parce qu'il y a une chose. Et là, finalement, on peut le dire, c'est que l'idéal de la synagogue, c'est de mettre en place une gouvernance mondiale permettant au peuple juif d'être le peuple prêtre, l'intermédiaire unique entre le Dieu unique, monothéisme, avec reconstruction du temple permettant selon eux l'arrivée du Messie, l'Antéchrist, et régentant l'ensemble de l'humanité non juive. Et avant d'aboutir à cet idéal, vous avez toutes les combinaisons possibles et imaginables, démocratie, dictature, monarchie constitutionnelle à l'espagnol, où vous avez, en fonction des intérêts du moment économique, politique, etc., une organisation des sociétés humaines qui toutes obéissent au même principe, qui est qu'il ne faut en aucun cas que l'idéal qui a été mis en place par l'Église catholique et qui a été concrétisé par le baptême de Clovis, de rappeler que d'abord, c'est le Christ qui est le roi des nations et que le roi de France est son lieutenant. Ça, il faut casser ce modèle du principe de l'ascenseur. Dans le domaine politique, le roi de France était le lieutenant du Christ, de Clovis jusqu'à Louis XVI. Dans le domaine religieux, le pape est le vicaire du Christ. Bon, avec Bergoglio, c'est de plus en plus un évêque. L'objectif, c'est de couper ce lien, ce principe de l'ascenseur avec le ciel pour instaurer non plus le royaume qui n'est pas de ce monde, mais un royaume purement terrestre. Après, vous avez la combinaison de royaume terrestre avec une fonction, une organisation démocratique, une monarchie constitutionnelle à l'espagnol, une dictature. Mais l'idéal, c'est qu'il n'y ait jamais le rappel de ce principe de l'ascenseur que le Christ est le roi des nations. Et il y a un élément qui a été utilisé par la synagogue, ce sont les mariages. Et d'ailleurs, Karl Quickley en parle en particulier, qui consiste à favoriser des mariages avec des familles royales qui vont rompre avec cet idéal du lien avec le ciel. Et plus de transcendance. Plus de transcendance, avec tout l'apparat, le tralala, comme on dit, oui, qui donne l'apparence du sérieux de la tradition, mais en fait vidé de sa substance, et c'est le cas de la monarchie britannique avec son alliance avec Cromwell, qui est en fait une monarchie schismatique, mais coupée des liens du ciel. Et il y a un élément que je tiens à le dire, parce que c'est révélateur. Voyez-vous, on parlait de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, elle a un fond luciférien. Et les personnes qui participent à ce genre de choses sont marquées par ces idées et sont contaminées. Lorsqu'on se marie, on ne transmet pas uniquement un code génétique et son ADN. Vous allez comprendre ce que je vais dire avec ensuite un exemple historique que j'ai là. Ah. On ne transmet pas uniquement un code ADN, on transmet son origine sociale et on transmet aussi sa tournure d'esprit. Lorsqu'on est issu d'un milieu familial, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., animé de belles pensées, de gens propres, droits, intègres, les probabilités sont très fortes pour qu'on transmette cet idéal à la génération suivante. En revanche, lorsque vous avez dans des familles des familles qui ont trempé dans l'occultisme, l'ésotérisme, la magie, au même titre que l'ADN qu'on transmet à sa descendance, on transmet cette perversion de l'âme. Il y a l'ADN de l'âme. Et pourquoi je dis ça? C'est que vous avez eu, dans la lutte entre la synagogue et l'Église depuis 2000 ans, au XVIIIe siècle, Jacob Frank, qui est une hérésie juive, qui est le principe de, je fais que reprendre son expression, la rédemption par le péché. C'est-à-dire que plus on fait le mal, plus on accède à l'arrivée du bien. C'est un truc complètement... Un peu dans l'idée de Sabbatai Tzvi, d'ailleurs. C'est son fils spirituel, oui. Mais c'est complètement tordu. Et vous avez eu, et vous allez comprendre cela, les franquistes, les adeptes de Jacob Frank, et entre autres, Jacob Frank, quand il s'est faussement converti au catholicisme, ils ont eu à peu près 10 000 à se convertir faussement au catholicisme, vous avez eu le parrain de Jacob Frank qui s'appelait Auguste III de Pologne. Auguste III de Pologne était donc imprégné de cette idéal tordu. Et il a eu une fille, Marie-Joseph de Saxe, qui était la mère de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. Et on comprend mieux le comportement des trois Bourbons, en sachant que la mère de ces trois rois de France, Louis XVI en priorité, était imprégnée de ce catholicisme libéral dévoyé. On transmet, on contamine. Et il y a un autre élément qui permet de comprendre les événements du XXe siècle. Lorsque Jacob Frank a donc marqué 10 à 15 000 personnes, vous avez eu un juif qui s'appelait Moses de Brusca, qui s'est faussement converti au catholicisme, c'est un juif autrichien, et qui a pris comme nom Franz Thomas von Schönfeld, et il est devenu un révolutionnaire français sous le nom de Junius Frey. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est devenu franquiste, un adepte de Jacob Frank, et vous avez au XVIIIe siècle la création d'une loge maçonnique ésotérique qui était l'ordre des frères de Saint-Jean, qu'on appelle aussi l'association asiatique, l'ordre asiatique. Mais en tout cas, je reprends l'expression l'ordre des frères de Saint-Jean. Et c'est Schönfeld qui, donc après né de cet idéal messianique de Jacob Frank, a pris la tête de cet ordre, qui a donc lancé le mouvement. Et le successeur de Schönfeld, ça a été un prince allemand, le prince de Hesse-Cassel, qui s'appelait Charles de Hesse-Cassel, 1744-1836, qui était imprégné de l'ésotérisme maçonnique luciférien. Et de par ses convictions, il a contaminé ses enfants, sa famille. Ses enfants ont macéré dans une ambiance délétère. Et ça s'est transmis de génération en génération. Et je termine par ce point-là. C'est que lorsqu'il s'est marié, ce Charles de Hesse-Cassel, il a eu plusieurs enfants, dont une fille qui s'appelait Louise Caroline. Cette Louise Caroline était donc imprégnée de psychologiquement de cette marque maçonnique ésotérique. Et elle a transmis cet idéal à sa descendance, puisqu'elle a eu un fils, un roi du Danemark, d'ailleurs, parce qu'il se marie entre cousins en plus, Christian IX, qui lui-même s'est marié et qui a eu une fille, Dagmar, qui 1847-1928. Vous devriez travailler à point de vue image du monde. Mais attendez, mais pourquoi? Vous allez comprendre. Oui, oui. Dagmar était imprégnée de cet idéal. Elle a épousé qui? Alexandre III, le tsar. Et de cette union est né Nicolas II. Et Nicolas II était donc descendant de ce Charles de Hesse-Cassel, donc de cet héritage ésotérique maçonnique. Et ce même Nicolas II a épousé une autre princesse de Hesse, Alix. Et on comprend beaucoup mieux le comportement de ce couple face à Rasputin, avec l'ésotérisme, la magie, parce qu'ils avaient déjà un passé. Ils auraient eu une tournure d'esprit classique, traditionnelle. Ils auraient été imperméable aux idées de Rasputin et à sa magie. Et le fait d'être contaminé par les générations précédentes leur donnait une inclination en faveur de ces idées. Et donc il faut vraiment comprendre ça détermine la vie politique des nations. Voilà, ce que vous montrez de cette manière, c'est la façon dont les influences secrètes se manifestent sur des têtes importantes, des têtes couronnées, par exemple, l'esprit. Et voilà, et comment ça finalement des répercussions politiques et religieuses incalculables. Alors là, il y a plein, et vous êtes pris à partie, à la fois pour vous dire que vous êtes quelqu'un qui n'a rien compris, d'autres pour vous dire que vous frisez la perfection. Bon, alors donc on va pas le développer tout ça, mais il y a une question naïve à laquelle il faut peut-être répondre. Comment vous prenez un catholicisme d'État, les non-catholiques auront-ils le statut de dhimmi devant la... Rassurez-vous, il y a tout simplement le respect qu'on doit aux personnes qui ne partagent pas les mêmes idées, mais la civilisation française, elle est catholique, point barre. Donc il faut quand même... On parle de civilisation et non pas de forme de l'État. Voilà. Oui, mais il n'empêche que le représentant de l'État, c'est le cas du roi de France, est le lieutenant du Christ et donc doit remplir son rôle. Alors, également, vous êtes prise à partie parce qu'on a eu l'impression que vous dévalorisiez le courage et l'œuvre de Jean-Marie Le Pen. Je ne pense pas. Vous avez montré quelles sont, à votre avis, ses limites du point de vue théologique. Il a été politique. Quand il a organisé la fête de Sainte-Jeanne d'Arc, il ne rappelait jamais l'élément clé qui était la tribe de nations. Mais à ce moment-là, il remet en cause le système de 89. Voilà, mais vous n'avez jamais, à mon sens, mais vous allez peut-être dire le contraire, dévalorisé son courage et sa lucidité. J'aurais aimé qu'il organise sur le terrain des groupes de relais pour la victoire politique, chose qu'il n'a pas faite. D'accord. Alors nous avons maintenant, on me fait signe, très très très peu de temps. Est-ce que vous pouvez redonner le nom de cet ouvrage ? Il paraît que je parle trop vite, donc alors, doucement. Et pour savoir à quel éditeur, savoir comment on peut le... ce qu'il dit, finalement, on l'a dit. Non mais comment on peut se le procurer ? Alors, le livre, c'est donc « Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine » de Carole Quickley aux éditions Retour aux Sources. Et j'en profite pour dire que samedi prochain, samedi 30 avril, je fais une dédicace à la librairie française de 14h à 16h, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement. C'est au niveau de métro, duplex, c'est la mode piquée. Donc, samedi 30 avril, 14h à 16h, librairie française, rue Auguste Bartholdi. Est-ce que vous pourriez donner également deux ou trois de vos livres, ceux que vous estimez les plus importants, et avec leur titre et leur sujet en gros. Alors, le livre « La décomposition des nations européennes » qui est sorti en 2004 avec le sous-titre de l'Union euro-atlantique à l'état mondial, où j'expliquais que l'objectif de la construction européenne n'était pas une finalité d'Europe puissance, mais un marchepied pour la mise en place d'un bloc euro-atlantique, lui-même marchepied vers la gouvernance mondiale. Livre avec de nombreuses références et de documents officiels qui, à l'époque, j'entendais plusieurs personnes me traiter de complotisme alors que c'était des textes officiels. Mais maintenant, lorsqu'on parle du marché transatlantique, ces choses-là se révèlent justes. Mais bon, c'est comme ça, toujours un peu d'avance. Un autre livre aussi, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, avec l'impression en plus Destination Babel, pour montrer que cette marche irrésistible, apparemment irrésistible, se terminera façon Babel, c'est-à-dire c'est l'idée d'une gouvernance mondiale avec un fond spirituel satanique qui échoue. Et c'est un cadre général où je traite d'aspects politiques, religieux, économiques, pour montrer cette marche apparemment irrésistible. Et puis un de mes livres aussi qui a été réédité, une deuxième édition augmentée, qui est Chronique du mondialisme. Ce sont des chapitres, il y en a une cinquantaine, de 3 à 4 pages, de différents sujets, des super notes de synthèse qui permettent d'avoir le cadre général. Ensuite, la personne qui va approfondir va plus loin. Alors, je vous rappelle, il est 19h27 que vous êtes écouté, Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée. Je recevais Pierre Hillard, je vais recevoir en deuxième partie Jérôme Bourbon, le directeur de Rivarol, pour parler de la journée de Rivarol du 9 avril et de la manipulation de presse qui a eu lieu depuis. Avant de nous quitter, Pierre Hillard, j'aimerais vous demander quelle est la question que j'ai oublié de vous poser ? Vous avez une minute pour y répondre. Il n'y a pas de question particulière. Simplement, la question peut-être que vous auriez pu poser, c'est y a-t-il un espoir avec l'avalanche, les mots MAUX qui s'accumulent ? Oui, la roue tourne dans ce sens que... on peut dénoncer des méfaits, on croule parce qu'on est encerclé par l'ennemi. Mais la roue tourne, il y a une expérience chrétienne à voir, mais aussi le fait, et c'est le reproche que je fais toujours aux personnes qui prétendent défendre la cause, c'est qu'il faut véritablement lire, avoir une véritable culture politique, religieuse, historique. Vous savez, je pense à des hommes comme, je vais en citer 3, Yann Moncomble, Jacques Bordiau et Pierre Virion, les années 70-80. Ils avaient tous pigé. Qui a lu ces livres-là? Voilà, très bien. Eh ben, pas mal de gens, beaucoup plus. Merci. Oh, pas trop. Merci beaucoup, Pierre Hillard, et à bientôt.